आकाशवाणी है। अब आप सकलेन अख्तर से समाचार सुनिए। Destiné à nos amis en Europe occidentale et au Royaume-Uni. Pour nous écouter, vous pouvez également vous connecter sur le monde DRM ou Digital Radio Mondiale. Chers auditeurs, dans le programme de ce soir, vous allez écouter de la musique instrumentale suivie par le bulletin d'information d'aujourd'hui. Par la suite, nous allons jouer pour vous un chant d'adoration suivi par le commentaire d'un jour. En plus, nous jouerons pour vous une belle chanson indienne. Ensuite, un programme d'anglais qui s'intitule Spotlight. Alors, comme chaque soir, nous allons commencer avec la musique instrumentale. Vous écoutez l'émission d'Outre-mer dans l'Inda Radio avec mon arrière-basse. On se retrouve tout à l'heure. Présenter le bulletin d'information. La banque de réserve RBI a déclaré que l'inflation de l'indice des prix à la consommation pour 2024-2025 est frôlée à 4,5%. Le gouverneur de la RBI, Shakti Kanta Das, a déclaré aujourd'hui, lors de l'annonce de la politique monétaire bimestrielle, que l'inflation dans l'IPC avait atteint un pic de 7,8% en avril 2022. Il a ajouté que même si l'inflation avait baissé de manière significative, elle restait supérieure à l'objectif de 4% fixé par le gouvernement. Le gouverneur a ajouté que la croissance du PIB réel pour 2024-2025 devrait être de 7%, dont 7,1% au premier trimestre, 6,9% au deuxième trimestre, 7% au troisième trimestre et 7% au quatrième trimestre. La Banque centrale a maintenu le taux repo inchangé pour la 7e fois consécutive. Le gouverneur a indiqué que les réserves de chaque de change de l'Inde ont atteint un niveau record de 645,6 milliards de dollars au 29 mars de cette année. La RBI autorisera bientôt le dépôt d'espèces par le billet de distributeur automatique de billets en utilisant l'UPI. Jusqu'à présent, l'UPI était principalement utilisé pour le retrait ou le transfert d'argent. Le gouverneur de la RBI a déclaré aujourd'hui que cette mesure améliorera encore le confort des clients et rendra plus efficace le processus de traitement des banques. La Banque centrale a également proposé d'autoriser l'utilisation d'applications UPI tierces pour effectuer des paiements UPI à partir de portefeuilles d'instruments de paiement prépayés. Cette mesure améliorera encore le confort des clients et stimulera l'adoption des paiements numériques pour les transactions de faible valeur. La RBI a déclaré qu'actuellement, il y a 5 millions d'utilisateurs dans le pays qui utilisent la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC en acronyme. Parmi eux, 86 millions sont des particuliers et 400 000 des commerçants. C'est une base cumulée. 2,2 millions de transactions ont été réalisées sur la CBDC. Le gouverneur adjoint de la RBI, T.R.B. Chantin, a déclaré que le test d'utilisation ordinaire de la CBDC était en cours. La programmabilité de CBDC a débuté aujourd'hui à titre expérimental. En vertu de ce système, un certain montant sous forme de CBDC a été transféré à agriculture qui ne peut l'utiliser que pour lancer le produit lié à l'agriculture. La Cour suprême a suspendu aujourd'hui la décision de la Haute Cour de la Banque qui a déclaré la loi de 2004 sur le Conseil d'éducation et de médecine de l'UTPS inconstitutionnel et contraire à la laïcité. De trois juges dirigés par le juge en chef D.I.R. Chandrachur a adressé un avis au centre et au gouvernement de l'Uttar Pradesh sur la requête contestant l'ordonnance de la Haute Cour. Auparavant, le centre avait affirmé dans sa requête que l'arrêt avait peut-être interprété de manière inexacte le concept de laïcité tel qu'il est inscrit dans la Constitution indienne. Un tribunal de Delhi a autorisé aujourd'hui le Central Bureau of Investigation, c'est-à-dire l'investigation du Bureau central, CBI, à interroger et à enregistrer la déclaration de K. Kavita, leader du BRS, en prison sommet à la prison de Tihar, dans une affaire blanchiment d'argent lié à l'escroquerie présumée de la politique d'assises de Delhi. L'ordonnance a été rendue à la suite d'une requête déposée car le CBI en vue d'obtenir l'autorisation de la cour d'interroger Kavita. Elle a été arrêtée par le renforcement d'arrêt le 15 mars dans le cadre de l'affaire de droit d'accuse et actuellement incarcérée à la prison d'Otiar. Un tribunal de Delhi a réservé le droit d'ordonnance sur une demande déposée par le ministre en chef, Alain Kejriwal, qui souhaitait obtenir l'autorisation d'augmenter le nombre de réunions juridiques avec ses avocats de 2 à 5 fois par semaine. Le juge spécial Kaveri Babeja de la Cour de la Réunion Rose a fixé l'affaire du 9 de ce mois pour qu'une ordonnance soit rendue. Lundi, le tribunal a placé le ministre en chef Kejriwal en détention judiciaire jusqu'au 15 de ce mois dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent liée à l'escroquerie présumée à la politique d'assises. L'examen des candidatures pour la deuxième phase des élections à la Lok Sabha s'est achevé aujourd'hui, à l'exception du Jammu et du Cachemire. Le départ du Jammu et Cachemire aura lieu demain. Le départ des candidatures pour cette phase s'est terminé hier. Autre Manipur, Lok Sabha, seront soumis aux urnes, y compris au Jammu et Cachemire. Notre correspondant à Patna rapporte la déclaration de candidature de 55 candidats ont été jugés valides sur les 86 qui ont fait l'objet d'un examen minutieux aujourd'hui. Notre correspondant à Trivandrum rapporte que les déclarations de candidature de 204 candidats ont été jugées valides à l'issue de l'examen minutieux. Les déclarations de 86 candidats ont été rejetées. L'Inde a approuvé des quotas d'exportation de produits de blé vers les Maldives pour 2024-2025 dans le cadre d'un mécanisme bilatéral unique. Le haut commissariat indien aux Maldives a déclaré qu'à la demande du gouvernement des Maldives, l'Inde a autorisé l'exportation de certaines quantités de produits de dalle et que les quotas ont été revus à la hausse. Les quantités approuvées sont les plus élevées depuis l'entrée en vigueur de cet accord en 1981. L'armée israélienne a limogé deux officiers supérieurs après qu'une enquête sur la mort de 7 travailleurs humanitaires lors d'une frappe aérienne à Gaza se soit informée de graves erreurs et violations de procédure. L'armée a déclaré que l'enquête avait révélé que les forces israéliennes croyaient à tort que l'attaque des hommes armés du Hamas lors des frappes de drones ont touché les véhicules du groupe d'aide Wild Simple Kitchen dans la nuit de l'année à mardi. L'armée a qualifié l'attaque de grave erreur résultant d'un échec sérieux dû à une identification erronée. Le département météorologique indien prévoit une vague de chaleur dans certaines parties de l'est de la péninsule de l'Inde pour les 2 prochains jours. La vague de chaleur prévaudra sur certaines parties de l'Odisha, du Bengale occidental, du Jharkhand, du Maharashtra, du Karnataka, de l'Andhra Pradesh, du Pondichéry et du Telangana aujourd'hui et demain. Le IMD a ajouté que le temps chaud et humide persistera sur le Karnataka côtier et Goa jusqu'à demain et sur le Kerala, Tamil Nadu et Pondichéry jusqu'au 9 de ce mois. Le nord-est de l'Inde aurait connaître une augmentation des précipitations et des orages jusqu'au 9 de ce mois. Aucun changement significatif des températures maximales n'est attendu sur le pays au cours des 2 prochains jours. Chers auditeurs, c'est la fin de notre bulletin d'information traduit et lu par votre annonceur de ce soir, Mme Zabas. Vous êtes à l'écoute du service français qui est diffusé tous les soirs entre 12h30 et 20h30 temps universel sur 1.608 sur le mode TSM. Vous écoutez EML World Service 2, le service mondial 2 de Omega Radio sur l'application UGA et Google Play. Votre écoute, c'est Omega Radio 2. Passons maintenant à un chant de dévotion interprété par Radha Paulwal. Chers auditeurs, vous allez écouter maintenant le commentaire de jour écrit par Maria Albina Michael et traduit par Nazaré Bass, annonceur de ce soir. Alors, le titre du commentaire d'aujourd'hui, c'est l'observatoire solaire de Kodaikanal, célèbre ses 125 ans. Le 125e anniversaire de l'emblématique observatoire solaire de Kodaikanal, en acronyme c'est KSO, abritant des télescopes historiques et modernes ainsi qu'un référentiel numérique contenant plus de 120 000 d'images solaires numérisées et des milliers d'autres images du Soleil enregistrées chaque jour depuis le début du XXe siècle, a été célébré le 1er avril 2024. La célébration par l'Institut Indien d'Astrophysique, IIA, un institut autonome du département des sciences et de la technologie, DST, pour se souvenir de l'histoire de KSO, féliciter ses scientifiques et honorer son héritage Mars en galon pour l'astronomie en Inde. L'observatoire solaire de Kodaikanal est situé dans la magnifique chaîne de collines de Palani dans le sud de l'Inde. Établi le 1er avril 1899 par les Britanniques, l'observatoire a été un berceau de recherche en astrophysique solaire depuis lors, avec plusieurs découvertes révolutionnaires à son actif. Il possède l'un des plus longs enregistrements quotidiens continus du Soleil au monde et cette base de données unique a été numérisée et est publiquement disponible pour les astronomes du monde entier. À partir de ces célébrations, IIA a prévu un certain nombre d'événements au cours des prochains mois pour mettre en valeur l'histoire riche de l'observatoire, ses réalisations diverses et sa recherche en cours. Les cinq dernières années du 19e siècle ont vu une transformation rapide du travail de l'observatoire de Madras à Kodaikanal. Les premières observations ont commencé en 1901 et ceux-ci se conformaient à des modèles dans la nouvelle astronomie prévue pour l'observatoire, alors qu'ils fonctionnaient ensemble sous le contrôle d'un directeur. Les observations astronomiques à Madras se limitaient uniquement à la mesure du temps. Le nouvel observatoire disposait d'un large éventail d'équipements spécifiques spécialement acquis pour les études solaires. Il y avait des instruments pour examiner visuellement les prominences autour du limbe solaire et les disperses des taches solaires. La série ininterrompue de photographies s'est passée jusqu'à aujourd'hui et forme l'une des collections les plus uniques d'un enregistrement de l'activité solaire trouvé n'importe où dans le monde. Le résultat le plus important des premières années a été la découverte par Eva Shedd à Kodaikanal en 1909 du mouvement radial des taches solaires. En 1922, Eva Shedd a également découvert, dans des conditions de bonne visibilité, d'innombrables petits déplacements de lignes équivalents à des vitesses de l'ordre de quelques dixièmes de kilomètres par seconde. Le 1er avril est également célébré par l'Institut indien d'astrophysique comme son jour de fondation, commémorant sa constitution en tant qu'institution sous le département des sciences et de la technologie en 1971. La conférence de jour de fondation pour 2024 a été prononcée par E.S. Kiran Kumar de Kodaikanal sur le programme spécial indien, où il a retracé son histoire à partir de la vision initiale du docteur Sarabhai d'utiliser la technologie spatiale pour développement usociaux économiques du pays, y compris les programmes uniques pour socio-économiques du pays, y compris les programmes uniques pour l'éducation à distance, fournir des informations aux agriculteurs et à la communauté de pêche et pour l'alerte aux catastrophes. Il a également parlé des énormes progrès réalisés dans les domaines cruciaux de la télédétection et de la cartographie ainsi que des communications. Il a souligné les défis technologiques surmontés pour la mission Tunéan 3 réussie et l'avenir avec Gaganéan également. L'événement a mis en lumière comment l'observatoire solaire de Kodaï Canal témoigne de plus d'un siècle d'années de scientifiques déchiffrant le soleil depuis le sol indien en commençant par le poursuite des éclipses. La découverte de l'hélium en 1868 jusqu'à la compréhension du processus de plasma dans le soleil, la production de chrominance et de flares. La chronographe a l'une des missions visibles à bord du récemment lancé ADT-LA, assemblé à IIA et le télescope solaire national de grande taille proposé au LADAR dirigé par IIA, constitue de s'appuyer sur ce riche héritage. Chers amis, vous venez d'écouter le commentaire du jour. Maintenant, nous allons jouer pour vous une belle chanson indienne. Vous écoutez l'émission d'Outre-mer de Olinda Réunion avec Manager Bass. C'est le programme d'Anglais Spotlight. Reste à l'écoute de l'émission d'Outre-mer de All In Radio avec Manager Bass. This is Akashvani. In the program spotlight, now we bring a discussion on RBI's bi-monthly monetary policy review. The participants are Shankar Iyer, economic analyst, and Arjun Chaudhary, anchor. So I'm joined by Shri Shankar Iyer, who is an economic analyst, and today's topic of discussion is on RBI's bi-monthly monetary policy review, where the MPC committee has decided to leave the repo rate unchanged at 6.5%. And we'll try and understand what the reasons are for leaving the repo rate unchanged for the seventh consecutive time. Five votes were for leaving the repo rate unchanged, and there was one vote to reduce the repo rate by 25 basis points. So, very welcome to the program, Mr. Iyer. Thank you. So, let's begin by understanding, Mr. Iyer, what were the reasons for the MPC to let the repo rate unchanged at 6.5%? I'm sure our listeners would like to know why the repo rate has not been reduced by the 25 basis points. There were five votes in favor of the repo rates remaining unchanged. Normally, you have to first ask whether an action is necessary. So why would, I mean, let's ask the rhetorical question, why would we need to reduce the interest rate? If we reduce the interest rate, people's loans on housing loan and others come down, companies may invest a little more eagerly, all of these theories are there. But if you look on the other side, the GDP picture, the economy is growing at 7.6%. In the third quarter, the economy grew at 8+%. So what would be the justification to cut interest rates when your economy is galloping? Second point, when the economy is growing at 7+%, even at 6.5% interest rate, which is the interest rate that the Reserve Bank has established as repo rate, the government of India borrows at around 7.10-7.11%, that is a yield rate for a 10-year government of India bond. Companies are paying in excess of 9%. And despite that higher rate of interest, India's economy has grown at 7+%. So the first thing, question would be, do we need to cut the rate? And so the Reserve Bank of India, in its wisdom, has decided to keep the balance tilted towards stability. So it has kept a consistent view that as long as growth is not hampered, as long as growth doesn't come down, and as long as inflation continues to be sticky, when the inflation is sticky, it will keep the repo rate in place. That is the domestic aspect. But come to the global aspect. This is not just the Reserve Bank of India, which is challenged by a peculiar set of circumstances where growth is robust, inflation is sticky, and there is so much uncertainty. If you recall a few days back, the U.S. Federal Reserve also kept its Federal Reserve rates consistently for the sixth time at 5.5%. Now, 5.5% federal funds rate is like really high for the U.S. economy. And yet the U.S. economy has clocked 2+% growth rate. So they are as perplexed by the growth despite the higher interest rate. And they are as perplexed by the inflation that is ticking up. What is our situation now? When you look at the domestic picture and when you look at the global picture, India is a developing economy. We are a low middle income economy. We import 88% of our fuel needs, energy needs. We are large exporters of merchandise and services. So we have to be export competitive and import conservative, which means we have to protect our currency at a particular level, which balances our need to pay for imports and balances the need to export. You would have noticed in the recent past, crude oil rates have touched $90 per barrel. So that's a challenge. So what does developing economy like India do? It keeps an interest rate differential, which is we maintain an interest rate in India that is higher than that in the developed economies. That is to facilitate inflows of investment either in bonds or in equity. And so to maintain that, we need to keep the differential. The moment the differential disappears, a large part of our foreign reserves may disappear. Mr. Professor, here you spoke about inflation control and the CPI estimate for 2024-25. This financial year is 4.5%. The second quarter is expected to be 3.8% estimate. So do you think that because this is the first MPC meeting we had for this financial year, it will be one out of six. Do you think the recalibrated, do you see the repo rates coming down in the remaining five meetings for the financial year with inflation under control at 4.5%, which is the target? So the Reserve Bank of India governor has used a very interesting analogy. He has been very picturesque in his language. He said the elephant has gone out for a walk and gone to the forest, and he expects the elephant to be in the forest. So basically, he's saying that the big story for India's economy, the elephant in the room has always been inflation, always been inflation management. For now, it seems like the elephant has gone to the forest, which means for now, it seems like the inflation is coming down. But the durability of this slide in inflation or the fall in inflation has to be sustained. You would remember that we still have very high food price inflation, which is a seasonal aspect over which the Reserve Bank of India's rates have little effect. But in a political economy, you have to balance the political needs and the economic needs. So what the Reserve Bank of India is hoping is that inflation will come down. And not all forecasts come true. There are events that might overtake all forecasts. As I said, as the crude oil prices touch 94, 95, that our imbalance in the economy sort of goes for a six. Now, let me sort of give you an idea of how the crude oil, just the crude oil price, how it impacts our economy. A 10% increase in the crude oil prices results in a 15 basis point drop in GDP, because costlier energy, lower output. It also increases inflation, because energy is the required input in all economic activity. It also affects our current account deficits. So for India, the important thing is not just that the inflation has to come down, but it has to be durably down. So the Reserve Bank of India is hoping, and while it is hoping, it is holding on to its horses, or rather it's waiting to see how the data pans out. You ask me whether in the next five meetings they will cut rates. I suspect that the first rate cut will probably be in somewhere around October, before the busy, what the Reserve Bank of India calls the busy credit season, which is before the festivals and the end of monsoon after the procurement cycle. I don't expect the Reserve Bank of India to cut rates before that. I also do not expect the US Federal Reserve to bring down its rates any time before August. So if you think of the global picture, and if you think of the domestic picture, we've got it all balanced right now. I think that with a growth rate of 7%+, the argument for an interest rate cut is rather weak. Mr. Iyer, you spoke about the elephant not remaining in the room anymore, but going out into the jungle. What did the RBI Governor Shaktikanta Das mean by stance of the withdrawal of accommodation? So withdrawal of accommodation is a phrase that they use that when the economy is suffering, then they increase the accommodation, they make more liquidity available. That is a de facto way of making the interest rates more earlier. The interest rate becomes higher, comes down, there is more money available. But here, when he says that, you know, he continues with the withdrawal of accommodation, what he means is that he is concerned that excess liquidity in the system may lead to a resurgence in inflation. Excess liquidity could be used in places, for instance, in speculative activities in other areas. And to avoid that, he is withdrawing the accommodation, which was introduced, I think, following the pandemic. But there is also the interest rate futures contracts which the RBI allows for small finance banks to enter into. How do you see that from the point of view of hedging or speculation? Basically, what these futures allow smaller banks is when you are smaller, your access to capital is more constrained and your pricing is higher. So when your economic model is a higher cost model, then you require instruments to balance that cost. The RBI is enabling these small institutions, small urban instruments. This is also prevalent in the foreign exchange market. I'll come to that in a minute. But what happens is the smaller banks can boost their futures, which means that they can balance, get a sense of predictability. They can also cut costs. They might have to borrow for the short term. That cost of the short term money can be sort of compensated or mitigated by using instruments like the futures in the interest. It also is making the system more, let's say, open access for a diverse set of players in the economy. I mean, it is not just the HDFC Bank or the State Bank of India which should have all the enablers. Even the smaller players need the enablers, and this is a good idea. I think this was already there in the foreign exchange market. If you know, exporters are allowed to hedge their exposure, importers are allowed to hedge their exposure to payments, exporters are allowed to keep their money abroad for some time. And all of these are instruments to enable the enterprise, whether it's a bank or a company or a trader, to manage their finances better. Mr. Ayer, you spoke about the RBI strategy of growth and inflation control, real GDP growth at 7% and inflation control at 4.5% for the 2024-25 financial year. What is the impact of this MPC committee's decision on leaving repo rate unchanged at 6.5% likely to impact the debt and the equity markets? I think the stimulus price, as we say, the market didn't expect anything different. The market was aware of what is happening in the global era. Globally, if you notice, that the key song in the advanced economies is that interest rates are going to be higher for longer. So there is higher for longer is propelled by the fact that the inflation is much more sticky than expected. It is also a fact that growth has sustained despite the high interest cost. So when growth is sustained and you try to bring down the cost of money, you might actually feel inflation. So that is the balance, the trade-off that is working here. The markets, I think, should be perfectly satisfied with the outcome of today's MPC meeting. It has been predictability, it is consistent, there is no new surprise for the market. The market has to work with the higher rate of interest. There might be individual companies which might look for lower interest rate. For sure, the lower income consumption products companies have suffered because of various reasons, one of them being cost of money. I think the real estate sector was hoping for a drop in interest rates, but that has to be balanced with what the overall economy requires. I think that the Reserve Bank of India has put a very predictable and consistent approach, and I really congratulate them. I think they deserve kudos for the credibility that they bring to the table. Mr. Ayer, apart from the repo rate remaining unchanged, your marginal standing facility, MSF, and bank rate also remains at 6.75%. Could you give us your comments regarding that? So that is part of the story about withdrawal of accommodation and management of liquidity in the economy. So the Reserve Bank of India sets its rates to either deter people from playing in the overnight money market or enable companies and banks to borrow in the overnight market. So if you notice, this has been the same for the last, I think, 5 meetings. There has been absolutely no change. So there is an element of balance. If your repo rate is 6.5, the other rate should be at 6.75, because that's how the balance is maintained. I don't think there is anything worrisome about it. The marginal standing facility and the bank rate are instruments for the Reserve Bank of India to manage the liquidity, to manage what the objective of withdrawal of accommodation is. I think this keeps the balance intact. Well, Mr. Shankar, thank you so much for being with us on this program and giving us extensive opinion about the RBI's bi-monthly monetary policy review, where the repo rate has remained unchanged at 6.5%. Thank you, sir. Thank you very much. You were listening to a discussion on RBI's bi-monthly monetary policy review. The participants were Shankar Iyer, economic analyst, and Arjun Chaudhary, anchor. This program is produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Chers auditeurs, à suivre deux chansons de genre traditionnel, restez à l'écoute sur Linga Radio Delhi. Vous pouvez également nous envoyer un mail à fro www.cchofd.ier21@gmail.com. Par ailleurs, vous pouvez nous connecter par WhatsApp ou notre indicateur de téléphone italien 0091, suivi par notre numéro de téléphone 4066 59 86 06. Nous attendons avec impatience vos suggestions et vos commentaires. Et nous vous souhaitons une splendide fin de soirée.